Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Apprends à marcher par la foi et non par la vue. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pourquoi marches-tu selon ce que les gens te disent au lieu de considérer ce que Dieu te dit dans sa parole? Il accomplira de grandes choses. Il t'a fait des promesses. Ces promesses s'accompliront. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il réalise. Ce qu'il ordonne, il exécute. Réveille-toi. Nous allons prier. Nous sommes à OSP. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Notre passage du jour, c'est Juges 6, 11 à 24. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSP. Lisons donc Juges 6, 11 à 24. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébins d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as, et délivre Israël de la main des Madians, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous les térébintes et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose l'air sur ces rochers et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Amen. Nous allons partager quatre grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Tu es un vaillant héros. Je veux que quelqu'un dise, je suis un vaillant héros. Encore, dis-le encore fort. Je suis un vaillant héros. Tu n'es pas n'importe qui. Malgré les situations que tu vis, malgré les échecs que tu as connus, tu viens de connaître un échec à ton examen, au bac, au BTS. Malgré que tu étais refusé dans le concours à l'ENA, je t'ai dit, ton avenir est entre les mains de Dieu. Tu es un vaillant héros. Ne considère pas les difficultés que tu vis, les épreuves que tu vis actuellement. Dieu a un avenir merveilleux pour toi. N'aie pas de sentiments, de pensées négatives. Tu es un vaillant héros. Dieu va accomplir de grandes choses avec toi. Gédéon n'avait pas cette conscience-là. Pendant ce temps-là, Israël était sous la domination des Madians. Vous voyez, le verset 11 dit, « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébins d'Ophra. Et il s'assit sous les térébins d'Ophra qui appartenaient à Joas, la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour les mettre à l'abri des Madians. » Cela veut dire qu'il vivait un moment de famine. Parce que nous avons vu que Madian venait pour tout ravager. Il y avait la famine. Et dans cette circonstance, Gédéon se posait des questions. Mais Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es un vaillant héros. Même si on ne te considère pas au niveau de ta famille. Même si les gens te critiquent, ils te disent que tu n'as même pas de maison. Tu n'as même pas un compte bancaire. Mais Dieu dit, tu es un vaillant héros. Il faut réveiller le héros qui est en toi. Parce que tu es toujours dans les soucis. Tu es toujours en train de te poser des questions. Regardez, Gédéon. Il se pose des questions. Il dit, Seigneur, si tu es avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ne te pose pas ces questions-là. Pour Dieu-là, il voit ce qu'il a mis en toi. Tu es un vaillant héros. Mais toi, tu es toujours en arrière. Pourquoi il y a eu la guerre? Pourquoi j'ai connu tel problème? Pourquoi ma fiancée m'a quitté? Pourquoi mon fiancé m'a abandonné? Il est parti en Europe. Ne te pose plus ces questions-là. Dieu est avec toi. Dieu dit, il est avec toi. Gédéon dit, si Dieu est avec moi, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont ces miracles que Dieu nous raconte? Tu commences même à douter des miracles de Dieu. Quand tu entends les gens témoigner, tu te poses la question, est-ce que c'est vrai? Parce que toi, tu es malade, tu souffres. Dieu te dit, malgré la maladie, tu es un vaillant héros. Cette maladie ne va pas empêcher la puissance de Dieu d'agir dans ta vie et tu vas guérir dans le nom de Jésus. Est-ce que tu comprends? Deuxième vérité, va avec la force que tu as. C'est un verbe de mouvement. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu stagnes. Tu n'avances pas. Tu veux commencer les commerces. Tu dis, avec l'argent que j'ai, je n'ai que 100 000 francs. Qu'est-ce que ça fait? Mon ami, si tu veux voir la bénédiction divine là, commence à bouger avec le peu que tu as. Va avec la force que tu as. Je suis en train de parler à quelqu'un. Écoute, Dieu t'a appelé au ministère. Tu te dis, je n'ai même pas encore de terrain pour commencer l'église. Tu n'as pas besoin d'un terrain pour commencer le ministère. Est-ce que tu comprends? Tu as déjà un potentiel en toi. Commence déjà à bouger. Commence déjà à parler de Jésus. Commence déjà même une petite cellule. Quand Dieu te met à cœur, pourquoi tu retardes toujours ce que Dieu a déjà dit depuis longtemps? Tu attends des moyens. Tu dis oui, j'attends un capital. Si j'ai 5 millions, si j'ai 10 millions. Dieu dit à partir de ce que tu as. Va avec la force que tu as. Je suis en train de parler à une maman. Écoute-moi bien. Les gens que tu vois qui ont déjà des restaurants aujourd'hui, ils n'ont pas commencé par des restaurants. Ils ont commencé par vendre la banane qu'on appelle en Côte d'Ivoire à locaux. Il y a des gens qui ont commencé par une petite boutique. Il y a des gens qui ont commencé à faire des petites choses. Et la main de Dieu, Dieu les a bénis et ces choses sont devenues des grandes choses. Pourquoi toi tu veux commencer par des grandes choses en même temps? Commence d'abord, ne néglige pas ce que tu as. Dieu te dit, va avec la force que tu as, avance. Et lorsque tu vas commencer là, c'est là où tu vas voir la main de Dieu. Dieu va bénir, il va multiplier ce que tu vas faire. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Il avait la force en lui, mais lui-même n'était pas conscient de cela. La force que nous avons, c'est d'abord la présence de Jésus. C'est d'abord la puissance du Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Nous avons des ressources, nous avons des dons, nous avons des talents. Pourquoi tu n'appliques pas ces talents que Dieu t'a donné? C'est une force. Je vais dire à un frère, regarde-moi, Dieu t'a donné un talent. Tu es un chant de l'Éternel. Pourquoi depuis là, tu n'as pas même la capacité d'aller au studio d'enregistrement, de commencer un album pour que l'œuvre, pour que les talents que Dieu a mis en toi puissent être bénéfiques pour le corps du Christ? Tu es là, tu traînes, tu ne fais que te plaindre. Va avec la force que tu as. Troisième vérité, ne regarde pas à ta condition sociale ni à ta petitesse. Dieu ne te bénis pas à partir de ta condition sociale. Il y a des gens qui s'attardent sur la condition sociale de leur famille. Gédéon dit, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Moi, voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Qui te dit que Dieu te bénit à partir de ta famille? Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Même si dans ta famille, jamais quelqu'un n'a bâti une maison, tu seras le premier, tu seras la première. Je dis, il faut recevoir, il faut dire, je prends, c'est toi. Même si jamais quelqu'un n'a été en Europe, il n'a jamais acheté une maison en Europe, il n'a jamais eu de papiers pour vivre en Europe, mais toi, le Seigneur te donnera ces choses-là. Même si chez toi au village, la famille de ton papa n'est pas connue. Mais regardez bien, Jésus-Christ, celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il était le fils du charpentier. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il choisit les folles pour confondre les sages. Est-ce que tu comprends? Cesse de t'apitoyer sur ta famille. Cesse de dire, dans ma famille, il n'y a que des sorciers. Mais Dieu t'a positionné dans cette famille pour que tu connaisses Jésus-Christ. Pour qu'à partir de toi, ces sorciers-là se convertissent, qu'ils viennent au Seigneur. Cesse de dire, je suis le plus petit. Même si tu es le plus petit, la Bible nous dit, le plus petit deviendra un millier. Est-ce que tu comprends? Ne te sens pas écrasé par un complexe d'infériorité. Quatrième vérité, notre Dieu s'appelle Yahvé Shalom. Il est le Dieu de paix. Vous voyez, quand Gédéon a demandé à Dieu un signe, oui, Dieu lui a montré un signe. La Bible nous dit que lorsque l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, il toucha la chair et les pains s'enlevaient. Il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et quand Gédéon a vu ce qui s'est passé, il a dit, « Malheur à moi, Seigneur, car j'ai vu l'ange de l'Éternel. » Mais Dieu lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Et c'est pourquoi on donna à ce lieu le nom de Yahvé Shalom, le Dieu de paix. Notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Il n'est pas là pour te menacer. Il n'est pas là pour te faire mourir. Mais il est le Dieu de paix. Lorsque nous nous donnons à Christ, nous devenons en paix avec lui. Et Jésus lui-même, il est le prince de la paix. Je viens dire à quelqu'un, peut-être que tu es troublé, peut-être que tu vis dans la paix. Attache-toi à Jésus-Christ, celui qui est Yahvé Shalom. La vraie paix, c'est Jésus-Christ qui seul peut nous la donner. Approche-toi de lui, quelles que soient tes situations, quelles que soient tes difficultés, c'est lui qui est capable de te donner la peine. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer en chantant ce cantique. Nous allons danser pour le roi des rois, celui qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, Jésus de Nazareth. Peuple de Dieu, en avant Jésus est devant. Peuple de Dieu, en avant Jésus est devant. Combattant de Dieu, en avant Jésus est devant. En avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu. En avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu. En avant, Jésus est devant. Héritier de Dieu. En avant, Jésus est devant. Les fils de Dieu. En avant, Jésus est devant. Les fils de Dieu. En avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu. En avant, Jésus est devant. Combattant de Dieu. En avant, Jésus est devant. En avant, Jésus est devant. Héritier de Dieu. En avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu. En avant, Jésus est devant. Les fils de Dieu. En avant, Jésus est devant. En avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Peuple de Dieu, en avant Jésus est devant. Peuple de Dieu, en avant Jésus est devant. Combattant de Dieu, en avant Jésus est devant. Combattant de Dieu, en avant Jésus est devant. Héritier de Dieu, en avant Jésus est devant. Et bien-aimé, en avant Jésus est devant. Fils de Dieu. Dieu. En avant, Jésus est devant. En avant, en avant, en avant. Tous les mouchoirs, dansons pour les rois des rois. Seigneur, nous allons bénir le nom de celui qui s'appelle Yahvé Shalom, le Dieu de paix. Glorifions son saint nom. Amen. Notre passage de base, dans le cadre de notre émission OSB, c'est Juges 6, 11 à 24. Nous venons de voir que chacun de nous doit se conduire comme un vaillant héros. Il doit cesser de se poser des questions. Où sont ces miracles? Pourquoi Dieu? Pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Tu vas prier maintenant. Tu vas proclamer, tu vas confesser en disant, Seigneur, je crois que je suis un vaillant héros. Je ne suis pas un bon à rien. Je ne suis pas inutile. Je suis un vaillant héros. Et tu vas prier pour bannir toutes les questions du passé, toutes les pensées négatives qui font que tu te focalises toujours sur les échecs du passé, sur les difficultés. Tu vas prier pour que cela soit renversé et proclamer que tu es un vaillant héros. Prions le Seigneur. La brèche, la Éternel Dieu, tu as été pour moi un secours, tu as été pour moi un refuge et tu l'es toujours. Ce matin, Père éternel, je dis merci pour toutes ces grandes réalisations dans ma vie. Je lève la voix et je me tourne vers toi, ô Dieu, et je demande que tu renouvelles cette force que tu as mise en moi. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je suis un vaillant héros. Je déclare que je suis un vainqueur. Toute forme de timidité, toute forme de crainte, toute forme d'angoisse soit ôtée de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que les plans sataniques, les plans démoniaques de l'ennemi contre ma vie, contre ma destinée, sont voués à l'échec. Je suis plus que vainqueur. Tu as mis de grandes choses dans ma vie et je proclame la victoire de Jésus-Christ sur les forces sataniques. Toi qui te lèves en ma faveur et que mes ennemis sont dans la dispersion, je lève ton Saint-Nom et je te dis merci, Père éternel. Je te dis merci parce que mes adversaires, mes ennemis ne me poursuivront plus, mais moi je les poursuivrai. Je prie et je te dis merci aussi, Père éternel, pour la force que tu me donnes, la force morale, la force émotionnelle, la force mentale, la force spirituelle pour marcher sur les serpents et les scorpions. Aucune situation, aucun défi ne pourra mettre en moi de la frayeur parce que je peux tout par Christ qui me fortifie. Merci Père pour le soutien que tu as fait dans ma vie. Si tu l'as fait pour Gédéon, tu le fais pour moi. Tu le fais pour ma sœur, pour mon frère qui m'écoute en ce moment. Que ton nom soit béni. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Dieu dit, va avec la force que tu as. Chacun de nous va prier pour dire, Seigneur, révèle-moi la force que tu as mise en moi. Et libère-moi pour que je puisse avancer. Peut-être que tu te sentais toujours bloqué dans un projet quelconque. Tu vas dire, Seigneur, maintenant moi je vais me lever, avancer avec la force que tu as. Peut-être que tu as peur d'avancer. Demande au Seigneur de te libérer de cette peur pour que tu sois un homme d'action, pour que tu commences déjà quelque chose dans le sens de ce que Dieu t'a montré. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Te bénis ce matin parce que nous savons à qui nous avons cru, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu véritable, notre Père qui nous a rachetés à un grand prix. Quand il nous a rachetés, il nous a donné son esprit, il nous a donné des talents, des dons, des ministères et chacun de nous est appelé à relever des défis. Dans certaines situations que tu mets devant nous, la force que tu nous donnes, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est la foi. Ce sont les dons que tu nous donnes pour aller arracher des âmes dans le camp de l'ennemi, pour prendre une responsabilité, pour prendre une décision courageuse, pour nous engager dans la mission, pour nous engager avec une personne dont nous doutons, pour nous engager, notre Dieu, notre Père, à s'aimer dans ton œuvre, pour nous engager, notre Dieu, à une responsabilité importante. Nous avons besoin, éloigne de nous la peur des hommes, la peur de l'ennemi, la peur de quoi que ce soit. Mais nous voulons engager parce que tu es avec nous. Tu as dit, celui qui nous a touchés a touché les prunelles de tes yeux. Nous nous appuyons sur ta parole. Nous avons l'Esprit de Dieu qui est avec nous. Nous sommes plongés dans le sang de l'agneau. Nous avons ta parole. Que ta grâce et ta paix nous accompagnent. Nous avons prié ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. nous venons de voir que Dieu ne nous utilise pas à partir de notre condition sociale. Même si ma famille est pauvre, même si ma famille est dans l'occultisme, mais Dieu m'a positionné pour accomplir de grandes choses. Oh, prions le Seigneur pour qu'il nous libère de tout cet esprit d'apitoyement, des gens qui s'apitoient sur la famille. Ils ont pitié, ils disent vraiment, avec ce qui se passe, je ne comprends rien, je suis le plus petit. Ils regardent toujours à leurs défauts, leurs défaillances. Prions pour que nous puissions voir la puissance divine et que nous ne sommes pas bloqués par la situation sociale de la famille, au nom de Jésus-Christ. Prions pour que Dieu nous libère de cet esprit de complexe d'infériorité qui fait que nous sentons toujours petits, petits devant les situations, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons. Merci pour l'occasion que tu nous donnes ce matin de contempler ton nom, d'honorer ton nom, de magnifier ton nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu ne nous as point laissé orphelins. Tu nous as donné ton esprit et c'est un esprit de force, c'est un esprit de puissance, c'est un esprit d'autorité, c'est un esprit de gloire, de grâce et de faveur. C'est pour cela que je voudrais que ce matin, tu annules toutes les pensées que nous nous sommes faites, toutes les pensées de petitesse, toutes les pensées de non-accomplissement, toutes les pensées de peur, toutes les pensées d'incrédulité, de doute que nous avons dans nos cœurs. Efface cela dans le sang de Jésus-Christ. Nous nous repentons, Seigneur notre Dieu. Aide-nous à avancer et de planifier de grandes choses avec toi parce que tu es un Dieu grand. De croire qu'avec toi tout est possible. Car il est écrit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il est écrit dans Jean 10, verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux. Seigneur, merci parce que tu nous as donné un esprit de conquérant, tu nous as donné un esprit de force pour avancer, pour ne pas être lié aux potentialités de nos pères, de nos mères, de notre lié, mais de croire que la Bible dit que nous sommes des vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, nous sommes fils de Dieu. Nous pouvons faire les choses de Dieu. Nous pouvons avancer avec Dieu et faire des grandes choses. Merci Seigneur pour cet esprit de supériorité que tu nous as donné. Merci parce qu'aujourd'hui encore, quelqu'un entre pleinement dans sa grâce, dans sa bénédiction au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que ce dimanche 29 mai, nous aurons comme d'habitude notre rencontre bonheur conjugal pour les célibataires. Nous poursuivons notre thème, la persévérance qui conduit à la victoire. Premier service, 16h, deuxième, 18h. L'entrée est libre. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.